Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour plonger dans la sphère du 9e art. Une sphère qu'on abordera sous divers angles cette semaine. Il faut dire qu'on va commencer notamment à plonger dans l'événementiel à Québec. Le mois de mars, c'est un peu les prémices, les préliminaires en route vers la 31e édition du Festival Québec BD. Alors déjà, la programmation du festival commence à filer au compte-gouttes. La semaine dernière, on vous présentait les finalistes au prix BDIS Causa. Depuis, dans le courant de la semaine, il y a quelques spectacles, quelques expositions qui ont été annoncées. On reviendra entre autres sur l'un de ces spectacles aujourd'hui. Le festival qui, après, je pense, il y a 4-5 ans, avait lorgné dans la sphère du burlesque et du dessin, revient un peu dans ce terreau-là avec un spectacle qui s'appelle Encre et dentelle. Spectacle modèle vivant, burlesque, dessin en direct qui sera offert à la chapelle du Musée de l'Amérique française. C'est le spectacle d'ouverture également du festival qui aura lieu cette année du 7 au 15 avril le prochain. Alors ça a été annoncé. Il y a Simon Trudeau, donc qui est l'homme derrière cette initiative, ou l'un des hommes derrière cette initiative et des femmes derrière cette initiative, qui viendra nous présenter tout ça tout à l'heure. Ce sera en deuxième moitié d'émission. Et tiens, puisqu'on en est là-dessus, plutôt que vous en reparler tout à l'heure là, dans les actualités, je mentionne également ce qui en est ressorti de cette programmation. On parle de plusieurs expositions là qui seront du côté des bibliothèques de Québec. C'est ce qui a été dévoilé pour l'instant. Alors il y a une exposition qui s'appelle La Clique vidéo de Steve Roquin, qui avait gagné le prix Jacques Urtubise l'an dernier. Il y a une expo d'œuvres de Mélodie Vachon-Boucher, auteur entre autres du meilleur a été découvert Loin d'ici et des trois carrés de chocolat, donc qui sera présentée, elle, à la bibliothèque Claire Martin. Il y a quelque chose qui a l'air assez intéressant si on veut apprendre un peu les dessous de la bande dessinée. C'est une exposition qui s'appelle Ancrage de Denis Rodier, où on va voir, mais en fait, les coulisses justement de la création d'une case, une planche de bande dessinée, donc le travail de Monsieur Rodier qui va être un peu décortiqué dans tout ça. Également une exposition qui s'appelle Les auteurs de bande dessinée de Québec, donc les de présenter un panorama de ceux qui font de la BD et qui sont basés à Québec. Donc, toujours intéressant. Il y a aussi le retour des 25 moments importants de la bande dessinée québécoise, une expo qui roule quand même depuis quelques années. Et deux projets liés à la Semaine numérique de Québec, la BD en numérique, qui sera présentée à Gabriel Leroy, où on pourra expérimenter avec différents modes de lecture de la BD sur des plateformes numériques. Et également, une résidence numérique dans les Media Labs, la bibliothèque Paul-Aimé Paiement et Félix Leclerc, donc Charlebourg et Val Belair. L'an dernier, c'était Julien Paris-Sorel qui avait offert cette résidence, et cette année, c'est Jean-Philippe Morin qui la fera. Alors ça, c'est les éléments qui sont sortis. Donc, comme je disais, on va reparler du spectacle burlesque tout à l'heure. Et sinon, on plonge sur québecbd.com pour voir le détail de ces expositions. Alors ça sera en cours d'émission. En fin d'émission également, il y aura Marco Duchesne qui viendra nous partager quelques commentaires BD. Et en première partie, on aura le plaisir de jaser avec Yvon Roy. Je suis vraiment, vraiment en mode rattrapage. Sincèrement, je pense que c'est sorti l'année dernière. Ça fait à peu près un an que c'est sur les étaux des libraires. Et je tenais absolument à vous en glisser mot. Mea culpa, mea maxima culpa, comme on dit pour celui-là. Il y a de ces albums dont on regrette d'avoir échappé. C'est le cas des Petites Victoires d'Yvon Roy. L'histoire d'un père et d'un fils. Le fils est autiste. Le père apprend à composer avec cette réalité-là, à découvrir son fils pour ce qu'il est, au-delà également de cette condition. Et qui travaille avec son fils à lui apprendre à surmonter son handicap ou sa condition plutôt que de vivre avec celle-ci. Alors c'est vraiment une histoire absolument touchante, un beau parcours qu'il nous offre. Alors je tenais absolument à vous en glisser mot. Alors on le fera dans quelques minutes avec l'auteur. Alors c'est le menu pour cette semaine ici à La Vie en BD. Comme d'habitude, on y va avec quelques notules d'actualité, notamment les prix des libraires du Québec se sont prononcés pour leur prix jeunesse 2018. Alors, en termes d'illustration jeunesse, il y a deux finalistes, en fait deux gagnants plutôt. Lauréat Québec 0-5 ans, Lauréat Québec 6 à 11 ans. Pour les 0-5 ans, c'est du côté des éditions La Pastèque, un album que je n'ai pas eu l'occasion de lire, je dois le dire, je dois l'avouer. L'oiseau de Colette, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais je ne l'ai pas encore découvert. Alors, Isabelle Arsenault, si je ne m'abuse. Alors, ça, c'est ce qui a gagné donc les catégories 0-5 ans. Également, Mamoutroc, que j'ai eu l'occasion de parcourir du côté, je pense que c'est la courte échelle de ce côté. Vraiment, en fait, chouette album de Guillaume Perrault qui vraiment est plein d'humour, vraiment une belle lecture fort agréable. Alors ça, c'est les deux albums donc Québec qui sont mérités ces prix. Alors félicitations évidemment aux gagnants. Et autres prix qui ont été donnés, c'est les Japan Expo Awards 2018, plébiscités, on le rappelle, par le jury et le public, des titres phares du manga et de l'anime pour l'année 2017 qui ont été récompensés. 10 Daruma qui ont été décernés pour différentes catégories de manga. Alors si je vais rapidement avec les prix du jury, alors le manga, le Daruma d'or, en fait, ça a été donné à Silent Voice de Yoshitoki Oima. Le Daruma Patrimoine, c'est Je suis Shingo de Kazuo Umezu. Le meilleur manga international pour Green Mechanic de Yami Shin. Le Daruma du meilleur dessin à Haruhisa Nakata pour Levius Est. Daruma du meilleur scénario pour Satoru Noda pour Golden Kamuy. Meilleure fabrication au Gardien du Louvre de Jiru Taniguchi. Meilleure nouvelle série à To Your Eternity de Yoshitoki Oima. Et du côté des prix du public, eh ben ça a été donné à Après la pluie de Jun Mayuzuki, à Card Captor Sakura Clear Card Act de Clamp et My Hero Academia de Koei Horikoshi. Ah ben voilà, donc pour ces différents prix. Alors là-dessus, ben, on va partir en musique. On reste un peu dans des sonorités à saveur asiatique avec la formation Yukerum. On écoute un premier extrait de leur album Redline qui s'appelle Mao of Shark. Ah ben toujours sur les ondes du 89.1 CKRL, Raymond Poirier avec vous pour La vie en BD. Et maintenant, on va plonger donc dans un album qui s'appelle Les Petites Victoires. C'est d'édité du côté des éditions Rue de Sèvres. C'est de Yvon Roy. Il est avec nous au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. À travers cette bande dessinée-là, vous avez choisi de partager votre histoire, votre paternité, vos petites victoires face à l'autisme. Et un album qui est allé peut-être un peu plus loin de ce que vous aviez pressenti d'ailleurs au départ. Bah oui, au début, moi je voulais faire simplement un petit livret, un petit fascicule qui expliquait un peu tous les petits trucs que j'avais réussi à mettre au point en travaillant avec mon fils. Et puis le copain Régis Loisel avec qui je travaillais à l'époque me dit bah fais une bande dessinée quoi et puis prends le temps de tout bien raconter ça. Et puis donc c'est ce que j'ai fait. Ça a pris environ un an faire le bouquin. Et puis finalement, j'ai trouvé un éditeur qui était très très enthousiaste. La réception du bouquin aussi a été très enthousiaste. Donc je suis très très heureux. Il y a déjà beaucoup de parents qui m'ont rejoint pour me dire que ça avait changé leurs approches avec leurs enfants, que ça leur avait amené des compréhensions différentes de certaines problématiques. Alors ça c'est très positif pour le moment. Très heureux. Parce que au cœur du récit, en fait, votre posture que vous composez en cours justement d'expérience, si on peut dire, c'est l'idée que vous souhaitez pas que votre enfant apprenne à vivre avec son handicap, mais plutôt d'essayer de l'outiller pour qu'il apprenne à surmonter, en partie du moins, certaines réalités liées à sa condition. Oui, tout à fait. C'est un mur que j'ai frappé au début quand j'ai commencé à travailler avec mon garçon pour l'aider avec tous les professionnels du milieu. Je me suis rendu compte que souvent on nous disait ou on tentait de nous dire qu'il fallait travailler à vivre avec l'autisme, à s'accommoder de l'autisme. Donc comment on devait s'accommoder de différentes crises, de différents problèmes. Alors que moi, je me suis dit, ben non, c'est préférable définitivement d'essayer de surmonter ça plutôt que de vivre avec. Et ça a été un peu mon idée maîtresse tout le long des années avec mon garçon, c'est-à-dire d'essayer de repousser les limites constamment, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours dans la douceur, toujours dans l'accompagnement, mais toujours plus loin. Oui, en fait, c'est pas nécessairement non plus toujours des grandes choses spectaculaires. En fait, c'est l'idée simplement de exemple en fait que vous mettez dans l'album, c'est de déplacer quelques meubles, d'éviter dans le fond de créer une routine qui est absolument immuable et toujours d'avoir des petits éléments qui viennent un peu pas nécessairement la brusquer, mais la remettre un peu en question, si on peut dire. Oui, j'ai travaillé un peu comme on peut travailler à désensibiliser parfois une substance ou parfois certaines personnes peuvent avoir une allergie, on peut essayer de désensibiliser ou on peut essayer de... Bon, c'est un peu comme ça que j'ai travaillé, c'est-à-dire très petit, des tout petits pas à la fois, toujours en douceur, toujours essayer de repousser la limite, mais c'est un boulot de patience, hein. C'est ce que j'explique dans le bouquin, finalement. Oui, enfin, on sent que c'est des mois, par exemple. Oui, oui, enfin, à un moment donné, il y a une séquence qui est extrêmement parlante où il est dans son bain, il est confronté à une poussière, crise, évidemment, et plutôt, dans le fond, que d'aseptiser le bain les fois d'après, c'est d'essayer de la réinsérer, ensuite de l'enlever rapidement, de contenir un peu cette séquence-là, mais et on comprend bien, c'est sur des mois que ça s'est fait, ce travail-là, pour arriver... Exactement. Apprivoiser une poussière dans le bain, cette poussière-là, dès qu'il y avait une petite poussière dans le bain, mon fils faisait une crise. Évidemment, les parents qui ont un enfant autiste savent qu'une crise d'enfant autiste peut durer très longtemps. C'est violent. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une poussière dans son bain, c'était une crise. Et on nous avait recommandé, justement, d'aseptiser le bain, de le nettoyer, de s'assurer qu'il n'y a rien. Et moi, j'ai fait carrément l'inverse. C'est-à-dire qu'à chaque bain, j'ajoutais une poussière. Et avant, évidemment, que l'enfant tombe en crise, avant que, dès qu'il la voyait, je l'enlevais. Et ça a pris 3 mois, carrément 3 mois, pour que que cette peur-là, cette crainte-là disparaisse. Et par la suite, ce qui est assez fascinant, c'est que ce sont des espèces de mécanismes, des résistances. À partir de ce moment-là, ces autres peurs se sont mises à tomber comme un jeu de dominos. Il y a une confiance qui s'est installée. Et ça donne des moments très touchants aussi dans ce récit-là, où à un moment donné, où vous vous rendez compte que justement, il y a des outils que vous lui avez donnés qui commencent à intégrer, qui commencent à être capables de faire un travail lui-même sans nécessairement dépendre de vous pour revenir, par exemple, de situations particulièrement stressantes. Là. Exactement, exactement. Gérer son stress, par exemple. Au début, je l'aidais à gérer son stress. Et puis, par des outils de suggestion, répéter des phrases calmantes, travailler avec le subconscient, etc. Et effectivement, à un moment donné, quand il arrivait lui-même, sentait une crise monter, je l'ai vu intervenir lui-même pour calmer sa crise, avec les outils qu'il lui avait donnés. Il y a des parents qui m'ont... plusieurs parents m'ont rejoint aussi concernant le truc pour que l'enfant regarde dans les yeux. Moi, je m'étais dit, c'est peut-être la première chose sur laquelle on a travaillé ensemble. C'est-à-dire que je considérais que de pouvoir regarder dans les yeux, c'est que les enfants autistes ont de la difficulté à regarder directement dans les yeux. Et je m'étais dit, si on n'a pas le contact visuel, on n'a rien. On a besoin de ça, c'est le début de l'interaction humaine. Et donc, je l'ai amené doucement, toujours, c'est toujours dans la douceur, c'est jamais dans la coercition. Il n'y a pas de punition au bout de ça, c'est toujours dans le jeu. Les gens qui liront le livre verront. Donc, j'ai amené doucement mon fils à me regarder dans les yeux, et à partir de ce moment-là, beaucoup d'autres choses se sont débloquées. Ça ressemble vraiment, le twist, ça ressemble vraiment à un jeu de domino. Mm-hmm. C'est comme ça que je l'ai vu pendant ces 7 ou 8 années où j'ai intervenu très près auprès de mon fils. Et justement, dans votre récit que vous nous partagez dans ces petites victoires, il y a évidemment le moment où vous relevez, si on peut dire, pour affronter, accompagner dans le fond votre enfant dans cette réalité-là, apprendre à le comprendre aussi à l'intérieur de ce qu'il vit, de cette prison d'une certaine manière qui est de laquelle il subit des pressions, qui est dans le fond cette condition-là. Et il y a aussi tout le moment où vous vous écroulez, dans le fond, après la découverte de ce diagnostic-là, et où tranquillement, en fait, vous tombez assez profondément avant de vous relever, et dans lequel vous vous épargnez pas non plus. Donc, c'est d'abord, en fait, on sent qu'il faut d'abord se prendre en main comme parent avant de pouvoir accompagner l'enfant. Il faut déjà, je pense qu'un des passages importants du bouquin, c'est le passage qui parle du deuil. Parce que, évidemment, quoi qu'on dise, on a toujours des attentes, on a toujours des espoirs, on a toujours l'impression que notre enfant sera ceci, cela. on a beau dire que non, mais c'est comme ça, et puis il faut commencer par oublier tout ça, faut faire le deuil. Et c'est à partir du moment où le deuil est fait et que l'enfant se sent réellement accepté, et tant que l'enfant se sent pas réellement accepté, peu de progrès sont possibles, je crois. En fait, il faut qu'il sente que vous êtes là pour lui sans condition, dans le fond. Exactement. Et c'est moi, ça a été un déclencheur. Je l'ai vu dans ses réactions à partir du moment où mon deuil a été bien fait. Je dirais que un deuil n'est jamais complètement fait. Ça se continue. Il faut continuer à le faire parce que l'enfant, même si on accumule les victoires, il demeure autiste. Il a toujours ses particularités. Il a toujours ses difficultés. Donc le deuil, c'est continuellement à chaque étape de la vie, à chaque étape qu'il doit franchir. Mais c'est très important, effectivement, que l'enfant se sente accepté en tout. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est justement la correspondance, parce que c'est à travers la répétition, évidemment, que vous allez chercher ces petites victoires dans l'amour, la patience, comme on disait, la douceur, mais à travers aussi la répétition et la constance. Et c'est quelque chose que vous êtes imposé, justement, pour ce deuil-là. Donc, c'est un peu le premier geste de constance, si on peut dire, que vous amenez. C'est l'idée de lui dire à chaque soir qu'il est l'enfant le plus fantastique du monde. Et comme vous dites dans le livre, jusqu'à temps que vous le pensiez pour vrai, finalement. Oui. C'était une question, j'explique un peu ce que vous dites, là, ce que vous venez de décrire, c'est que ce que j'ai fait, c'est que je m'étais fait une petite phrase, tu es le petit garçon le plus fantastique du monde, je ne t'échangerai pour aucun autre. Cette phrase, je la lui répétais tous les soirs. Même si il était un peu trop jeune pour bien la comprendre, cette phrase-là, je ne la disais pas véritablement à lui, mais je la disais pour l'entendre moi-même, pour me la répéter à moi-même. Et ça a pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que je puisse la dire facilement. Au début, les mots roulaient dans ma bouche. C'était difficile. Parce que il y a une partie de moi qui n'y croyait pas. Et puis, doucement, on se convainc. Et puis, à partir du moment où on convainc et son conscient et son subconscient, tout est plus facile par la suite. Et on comprend quand on parle, je pense, et j'espère que les gens qui nous écoutent le comprennent bien. En fait, il y a beaucoup de belles émotions, dans le fond, d'émotions très riches dans ce récit-là. C'est un récit qui est émouvant à lire, on en parle, et je trouve qu'il y a déjà de l'émotion juste à raconter ce que vous y racontez. Pour vous, de replonger là-dedans, de replonger dans les moments difficiles de vos débuts de relation, dans le fond, avec l'enfant, entre autres, j'imagine que ça a dû être quand même assez ardu comme année de travail, dans le fond, sur les petites victoires. Je pourrais certainement pas dire le contraire. Effectivement, ça a été des moments, je dirais, où souvent, pendant que ces choses-là arrivent, pendant qu'on vit des trucs très éprouvants, on n'a pas le temps de les pleurer, on n'a pas le temps de les vivre. Il faut aller au front. Et donc, quand j'ai fait le bouquin, il m'a fallu les revivre. Et passer à travers toutes ces émotions que j'avais pas eu le temps de vivre. Et ça a été, d'une certaine manière, je dois le dire, thérapeutique de faire le livre, de transformer en dessin et en écrit tout ce vécu, sachant que il allait probablement profiter à plusieurs parents. Mm-hmm. Et puis aujourd'hui, les témoignages que je reçois sont ma récompense, définitivement. Oui, en fait, c'est que d'un côté, dans le fond, pour ceux qui traversent le même chemin que vous, de voir justement des correspondances, d'avoir des idées, des conseils, des trucs, des manières de faire, ou simplement en fait justement une correspondance, dans le fond, de vous partager une réalité. Et en parallèle, je trouvais, en fait, parce que moi, l'autisme, c'est une réalité que je connais à travers ce qu'on en dit, et on lit l'album et on se rend compte, en fait, qu'il y a aussi un schisme important entre ce qu'on pense qu'on en sait et la réalité de l'autisme. Oui, effectivement. C'est très vrai, d'autant que l'autisme a mille visages. Je présente un des visages en espérant être très aidant. C'est le but du bouquin, quoi. Mm-hmm. Et j'imagine que c'est aussi le genre de situation où les stigmates, si on peut dire, liés à l'autisme, disons, rendent plus intense quand on reçoit le diagnostic, quand on est face à cette réalité-là, et finalement qu'on est confronté à l'idée qu'on se fait aussi de cette réalité-là avant de découvrir qu'est-ce que c'est en formule terrain, si on peut dire. Tout à fait, d'autant qu'il y a tellement de... Comment je pourrais dire, même en Europe, en France, la conception de l'autisme est différente. Les traitements sont différents. Ils sont en train doucement de se rapprocher de nous en termes de traitement et de conception de l'autisme. Mais longtemps, leur conception était complètement différente de la nôtre. Leurs approches aussi étaient différentes de la nôtre. Mmh. Ils ont fait fausse route un certain temps. Maintenant, ils s'en rendent compte en France. Moi, ce que je veux dire par ce livre-là, quoi que ce soit, en fait, que l'autisme soit une chose ou une autre, l'important, le premier des messages que j'espère envoyer par ce livre-là, c'est que le parent demeure le premier spécialiste de son enfant. Il doit le devenir. Et à partir de ce moment-là, tous les espoirs sont permis. Parce que les gens qui travailleront avec l'enfant, les professionnels, sont limités. Ils sont limités par le temps qu'ils vont passer avec l'enfant. Ils sont limités par le nombre d'enfants à traiter. Évidemment, il y a souvent des listes d'attente. Donc, il faut devenir le premier spécialiste de son enfant. Et je le répète, à partir de ce moment-là, tous les espoirs sont permis. Et dans les petites victoires, évidemment, l'autisme et cette réalité-là prend une place importante. Et si on va un peu plus loin, c'est aussi et peut-être surtout au final l'histoire d'une relation qui se place, qui se crée, d'un amour véritable qui se génère entre un père et son fils. Oui, il y a des moments donnés où je me pose la question et je me disais, avec ma carrière artistique, vous savez, bon, c'est souvent très prenant, on travaille de longues heures. Je m'étais dit, si mon fils n'avait pas eu cette particularité pour attirer l'attention sur lui, est-ce que j'aurais passé un peu à côté de lui? Est-ce que je l'aurais pris pour acquis? Mais quand le diagnostic est tombé, j'ai vu un petit garçon qui avait terriblement besoin de moi, plus que personne d'autre. Et la relation qu'on a développée aujourd'hui, on est soudés, hein, pour la vie, évidemment. C'est une relation, je le vois grandir, il commence à prendre son indépendance. Maintenant, il va avoir 14 ans bientôt. Mm-hmm. Il est à l'école normale, il écrit un français presque sans faute, il est très sociable, sa petite copine et tout. Donc, je suis très heureux, évidemment. Tranquillement, il prend ses distances. Mais autrement, effectivement, ça a été une très belle période malgré les épreuves, parce que ça nous force à plonger dans la parentalité à fond quand on a un enfant qui a une différence comme ça. Et comment, en fait, justement, en fait, que ce soit votre ex-conjoint, que ce soit votre enfant aussi qui est au cœur du sujet, comment ils ont reçu ce projet-là aussi? Comment vous leur avez amené l'idée de raconter, dans le fond, cette histoire, cette expérience que vous avez vécue ensemble? Déjà, mon fils était très heureux, très excité, très, très content, tout ça. Sa mère aussi, tout le monde est véritablement très heureux. Sa mère, m'a vu travailler tout le long, on a travaillé en étroite collaboration. Pour amener notre fils à vaincre un peu sa condition. Tout le monde est véritablement très heureux et de l'album et du succès qu'il obtient maintenant. Oui, effectivement, parce qu'on le voit, et pour ceux qui parcourent un peu, les réactions sont très positives, en fait, que ce soit ici, que ce soit en Europe. Et tout ça aussi, dans un contexte, un album qui, j'ai l'impression, vous avez tout mis au service du récit, au service de l'expérience humaine, en fait. Le dessin qui est réaliste, semi-réaliste en noir et blanc, mais c'est très sobre, en fait. Tout est au service de l'expérience humaine, du récit. Oui. Il était clair pour moi que, je devais être porteur d'un message, et ça devait être... Il n'était pas question de faire une bande dessinée pour épater ou pour... Le dessin est au service du récit. Tout doit... Ce livre-là, pour moi, c'était un livre utilitaire avant tout. Et j'ai été le premier surpris quand des gens m'ont raconté, des gens qui ne sont pas touchés par l'autisme, qui ont lu le bouquin, ont dit j'ai eu énormément de plaisir à le lire, je l'ai recommandé à des gens de ma famille, tout ça. Et c'est là que j'ai compris que malgré tout, j'ai réussi à faire quand même une bonne histoire avec tout ça. Ce qui est franchement très heureux. Donc le message est passé. Puis semble-t-il que le récit aussi est plaisant. En fait, je suis très heureux. Et j'imagine que le défi dans le dessin, justement, c'était un peu d'aller retrouver, pour conclure et revenir un peu à ce qu'on dit au départ, de trouver aussi cette tendresse-là que vous avez dans l'action, mais qu'on la sente dans le dessin, qu'on la sente dans les regards, dans les gestes, dans la souplesse de ce que vous proposez au niveau visuel. Oui, absolument. Absolument. J'ai travaillé presque 3 mois au départ, simplement pour établir ce style-là, le code graphique. Pour être certain que l'album... Parce que je savais, dès le départ, que ce serait une bande dessinée qui serait lue par des gens qui n'en ont jamais lu auparavant. Mm-hmm. Je savais que j'allais m'adresser donc à des gens qui ne sont pas nécessairement des amateurs de BD. Il devait donc être d'une clarté impeccable et que le message soit parfaitement intelligible tout du long. Donc, c'était un peu le mandat que je me suis donné, quoi. Et en terminant, Yvon Roy, en fait, quand on arrive avec... c'est votre deuxième bande dessinée. Vous avez fait une adaptation au niveau illustration d'Agagouk. Mais pour une éventuelle troisième BD, comment on envisage de suivre justement un récit qui est aussi personnel puis aussi riche, en fait, que celui que vous avez proposé avec Les Petites Victoires? C'est un livre qui est difficile à suivre. Ça n'est pas nécessairement facile de faire un livre après celui-là. D'autant qu'il a eu tellement eu de commentaires, d'articles qui en ont parlé, tout ça. Donc, le défi est là. Je travaille présentement sur un album qui va parler de mon enfance. C'est-à-dire, j'ai eu une enfance très atypique. Donc, j'en profite aussi pour faire un portrait des années 70 au Québec à travers l'enfance de deux petits garçons, c'est-à-dire moi et mon frère, qui avons vécu cette époque. Et j'espère une publication en 2019, probablement. Donc, à suivre, à venir. Ben, Yvon Roy, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. À une prochaine, donc. À bientôt. Au revoir. Alors, voilà, donc au revoir. C'était Yvon Roy, donc je rappelle, auteur de ce livre, Les Petites Victoires. C'est du côté de rue de Sèvres. Et je pense que vous aurez compris au fil de l'échange que c'est un album que j'ai beaucoup apprécié. Un peu à retardement, mais sincèrement, si vous avez l'occasion de le croiser en librairie, jetez-y un coup d'œil. Et je pense que c'est une lecture qui, en fait, avec le recul, serait sûrement dans mes 10 meilleures lectures québécoises là, de l'année dernière. Et peut-être même dans les 5 à 7, là, c'est à peu près certain. Ah ben voilà, pour cet album, pour ce titre, on poursuit donc dans les discussions et les échanges au retour de ce petit segment musical. Toujours au 89.1 CKRL, toujours la formation Yukerum avec leur album Redline qui nous accompagne au fil de l'émission d'aujourd'hui. Et on le disait en ouverture, le Festival Québec BD qui a commencé à annoncer des éléments de sa programmation et entre autres son spectacle d'ouverture. Et dans les années précédentes, on attendait, on faisait un gros blitz à la fin du mois de mars pour essayer de vous parler d'un peu tout ça. Et on s'est dit, mais cette année, pourquoi attendre? Dans le fond, pourquoi se priver d'aller chercher l'information dont on a besoin? Et c'est ce qu'on va faire avec donc ce spectacle d'ouverture qui s'appelle Encre et dentelle, burlesque dessinée. C'est le 7 avril, donc en ouverture du Festival Québec BD. Et pour en parler, l'un des artisans de cette production, Simon Trudeau, bonjour. Bonjour Raymond. Et Simon, en fait, la dernière fois que tu étais passé ici, c'était en lien avec Dr Sketchy Québec. Et oui. Évidemment, c'est dans la continuité du travail de Dr Sketchy qu'on en arrive avec Encre et dentelle. Alors, c'est plus que dans la continuité, c'est dans l'extension parce que c'est vraiment un partenariat entre le Festival Québec BD et Dr Sketchy Québec qui fait que qui a donné lieu à ça, en fait. Même depuis le début de Dr Sketchy, depuis qu'on a commencé l'opération, on a toujours voulu être en partenariat avec le Festival de la BD. L'année dernière, on avait organisé un événement spécial à la Ninkasi pour l'occasion. Mais en fait, ce qu'on visait, c'était de faire partie de la programmation officiellement. Et là, cette année, on a décidé qu'on n'y allait pas de main morte. Et évidemment, l'idée, on connaît un peu le concept de Dr Sketchy, c'est du modèle vivant sexy avec une twist, en fait, si on peut dire. Ouais. Avec du dessin, des gens qui dessinent live. Et là, l'idée, c'est qu'on parle encore de burlesque dessiné, mais où on rajoute une dimension événement, une dimension happening, si on peut dire, additionnelle. Effectivement, parce que c'était vraiment quelque chose avec Dr Sketchy. Premièrement, ça a pris beaucoup de temps avant que le concept fasse son chemin. Au début, les gens étaient pas sûrs. C'est quoi? C'est un spectacle ou c'est une exposition? Qu'est-ce que c'est? Et on est arrivé vers une formule qui était beaucoup plus dessin, modèle vivant, avec du spectacle à l'intérieur. Et là, on voulait renverser la vapeur. On voulait faire un spectacle dans lequel il y avait du dessin d'après modèle vivant et avec les dans lequel le public était appelé à dessiner, bien entendu, parce que c'est la formule. On veut pas juste que ce soit sur scène que ça se passe. On veut que ça soit interactif, mais aussi dans lequel on invite des artistes qui vont des dessinateurs, des BDistes qui vont être au Festival de la BD à être des dessinateurs vedettes, à faire des espèces de défis en plein milieu de la scène. Avec ou sans mouvement, on a plusieurs concepts de ce côté-là. Donc d'une certaine manière, si j'essaie de me figurer l'idée, mm-hmm. Donc d'un côté, sur scène, il y a la dimension spectacle, il y a des dessinateurs desquels on va voir le dessin se faire, en fait, qui vont dessiner le spectacle, live. Ensuite, dans les premières rangées, là, c'est des gens qui veulent dessiner, qui amènent leur matériel, qui peuvent faire du dessin. Exactement. Et ensuite, il y a les gens qui regardent tout ça et qui découvrent. Exactement. On est conscient que c'est pas tout le monde qui vient assister au spectacle du burlesque qui a nécessairement le goût de dessiner, mais on laisse la porte ouverte à ceux et celles qui veulent le faire. On a installé des tables pour le dessin aux premières loges. Si vous voulez participer à ça, ben c'est bienvenu. Mais on va trouver une manière aussi de faire participer le reste du public qui est juste venu voir un show aussi. Il y a une dimension interactive qu'on tient à garder. On n'est pas juste là pour regarder, on est également là pour participer. Donc comment est-ce que je veux pas brûler vos punchs non plus, évidemment, parce que je pense qu'il y a une notion de suspense aussi à pas trop savoir dans quoi on s'embarque et, mm-hmm. quand on vit des expériences comme ça, mais quel genre d'interaction est-ce que dans le fond ça va être d'intégrer un peu les gens dans le spectacle, oui, d'orienter oui. Tu en sais quelque chose, Raymond, il y a une des grands procédés d'interaction qui est le vote, et on a préparé des occasions pendant le spectacle où le public va aider à construire non seulement le dessin qu'ils vont voir, mais aussi la performance qu'ils vont voir. J'essaie de naviguer les mots pour pouvoir en révéler sans trop voler de punch, mais on a je vais appeler ça une performance, à quelque part dans le spectacle, on a une performance dont vous êtes le héros. Et où vous serez appelé à choisir des grands aspects de cette performance. Et on a aussi un concours, un ink battle, donc une bataille de dessin où les gens vont être appelés à participer. Il y a des prix à gagner et c'est ça. Et il y a d'autres surprises en jeu. Je surfe le plus que je peux. Oui, mais enfin, de ce qu'on comprend, c'est l'idée de varier la formule. Dans le fond, que ce soit pas du pareil au même pendant l'ensemble de la durée de la soirée, mais que il va avoir une variété de numéros et donc une variété de manières d'amener le dessin autour de ces numéros-là. Effectivement. Et on veut que à partir du premier numéro et jusqu'au dernier, le public ait jamais vu deux fois la même affaire. C'est facile de penser que le burlesque, c'est essentiellement du striptease, des dessous et de la dentelle, mais il y a une dimension toute comique qui fait partie du burlesque depuis ses premiers instants. Et nous, on veut ramener un spectacle qui est pas juste montrer de l'effeuillage. On veut aussi montrer la variété de talents qu'on a sur scène, tant à la fois tant de spectacles que dessinés. Il y a plusieurs choses auxquelles le public ne s'attend pas. Oui, puis en fait, de ce que j'en ai toujours compris, le burlesque a quand même une notion d'incarner un personnage, mm-hmm. des éléments de contextualisation. Donc, on joue un peu, j'imagine, aussi avec ça. Un peu comme on le fait dans les soirées Dr. Sketchy aussi, somme toute. Là. Effectivement, sauf qu'avec le Festival BD Québec, c'est ce qui est Québec BD, ce qui est particulier, c'est qu'on a déjà le thème qui est donné, qui est la BD. Et vraiment, avec ça, on peut partir vers des personnages qui sont connus par le public, mais aussi on peut aller voir vers des personnages plus obscurs. Donc il y a déjà des performances que certains de nos artistes nous ont déjà communiqué les personnages qu'ils aimeraient faire, et on a eu déjà quelques petites surprises à cette occasion-là, mais les gens risquent de retrouver des personnages avec lesquels ils sont déjà familiers sur scène. Et ce qu'il faut dire, en fait, c'est que c'est pas la première fois que le Festival Québec BD flirte avec l'univers du burlesque. Ça avait déjà été fait il y a à peu près, je pense, 5-6 ans. Donc ça fait déjà un certain temps. Ça avait été, je pense, ça le comble, en fait. Fallait acheter ses billets d'avance, disons. Oui. Faut pas se faire avoir trop tard. Et c'est un peu, donc, dans la continuité un peu de ça, mais j'imagine jouxter de l'expérience et des collaborations multiples que tu as construit avec ton équipe de Dr. Sketchy Québec. Oui, ben c'est un des c'était une des conditions qu'on a mis au début. Comme tu as dit, le festival Québec BD a déjà côtoyé le burlesque, ce qui avait été très bien d'ailleurs, un spectacle organisé par Christina Moschini à l'époque. Mais on voulait quelque chose de différent, on voulait quelque chose qui ramène l'aspect dessiné, l'aspect BD. Et comme avec Dr. Sketchy, on voulait depuis longtemps participer à ça, on s'est dit, ben c'est ça qu'on amène, c'est ça la nouveauté. Le public peut dessiner, il y a des dessinateurs sur scène, ça devient une expérience qui est démocratisée, ça devient pas juste une présentation. Vous pouvez arriver avec vos planches, vos cahiers à dessin et on vous accueille. Oui, puis inversement, dans le fond, ceux qui se disent, ben j'irai pas Dr. Sketchy, je dessine pas, ben là c'est l'occasion de voir un peu puis de vivre avec un volet spectacle peut-être beaucoup plus, un peu plus accentué quand même là, que les soirées mensuelles. Oui, effectivement, parce que d'habitude les soirées Dr. Sketchy, c'est essentiellement du dessin. On fait essentiellement du dessin et à travers le dessin, à travers les personnages qui sont présentés, on met des numéros. Alors là, vraiment, il y a un segment où vraiment c'est actif, il y a de la musique, il y a du chant, peu importe la performance qu'on a ce soir-là. Alors que pour Encre et Dentelle, ce qu'on veut, c'est mettre de l'avant la performance, mettre de l'avant le spectacle. Alors c'est vraiment un spectacle. Et à travers ça, là, on intègre le dessin. On essaie de mélanger les deux autant que faire se peut, sans interrompre la durée du spectacle, parce que c'est sûr que si on garde la pause pendant 20 minutes, ben c'est 20 minutes de spectacle qui s'en vont. Alors on essaie de trouver des moyens de faire en sorte que jamais le spectacle arrête. Et pourtant, les gens ont le temps de dessiner. Et tout ça avec la variété des numéros, la variété des costumes, la variété des performeurs, hommes-femmes aussi sur scène, du boylesque et du burlesque. Oui, effectivement, on a trois artistes hommes dans notre registre burlesque et boylesque sur scène en ce moment. J'ai les noms d'ailleurs et on m'a autorisé en grande première à révéler les noms de nos artistes, tant les artistes burlesques que les dessinateurs vedettes qui vont être là. Alors côté artistes, on a Rex Machina, Celesta O'Lee, Lulu les Belles Mirettes, oui c'est son nom complet, Golden Thunderpants, Madame Whatever, Eldritch Moore, Betty Cayenne qui est ma co-organisatrice et Mr. By7. Ce sont nos 8 artistes qui se présenteront sur scène le 7 avril prochain. Et côté dessinateur, on m'a aussi donné l'autorisation, on vient tout juste de me donner l'autorisation de nommer nos dessinateurs. Il s'agit de Julie Rochelot, Bach, Mathieu Burnia et Paul Bordelot. Donc, encore là, on parlait de variété de style au niveau burlesque. Je pense qu'au niveau dessin aussi, on a également une variété de style et d'expérience et de relations aussi avec le live en différents styles de traits, différents styles d'appropriation. Ça fait partie du but, ça fait partie de l'objectif. Pas juste voir la variété du côté scénique, mais du côté dessiné aussi. Et j'imagine que le lieu aussi va être intéressant parce qu'on l'a pas mentionné, mais c'est à la chapelle du Musée de l'Amérique française. Oui, et ça a été... Je pense que à partir du moment où on a commencé à parler de où on pouvait faire un événement comme ça, puis que la chapelle du Musée d'Amérique française, francophone maintenant, on dit, et c'est avéré être une place qui était disponible, c'est ça qui a donné le coup d'envoi vraiment du projet. Il y a quelque chose d'un peu... dans le burlesque, à la base, il y a quelque chose d'un peu provocateur. Et le lieu en tant que tel, de faire un événement pareil dans ce lieu-là, il y a quelque chose de fondamentalement provocateur. On est quelques mètres au-dessus de la tombe de Monseigneur Laval. Il y a de quoi qui est un petit peu choquant, juste assez pour émoustiller. Quoique, je vous rassure, Monseigneur Laval n'est plus là depuis très longtemps. Là, s'il y en a qui ont peur de partir en feu en mettant les pieds là-dedans. Oui, mais de toute façon, c'est désacralisé, là, on s'entend. S'entend. Et Simon Trudeau, dans le fond, on imagine vous êtes en train de travailler justement sur le spectacle. Donc mm-hmm. Là, c'est un mois qui va être un peu plus intensif pour arriver au 7 avril avec la formule complète chorégraphique, etc. J'imagine une part aussi d'improvisation, et on le disait avec la collaboration du public, donc une part d'imprévu aussi qu'on va se garder. Oui, puis on la veut celle-là, on veut qu'il y ait un événement on veut que ce soit un événement de rassemblement où ce que les gens ne sont pas simplement témoins du travail des artistes, mais ils contribuent aussi. Ça fait partie de l'approche Dr. Sketchy depuis le début, on veut pas que vous soyez bon en dessin ou que vous soyez, on veut juste que vous vous intéressiez puis que vous apportiez votre contribution, c'est tout ce qu'on veut. Et on incite les gens, je le répète, en fait, pour ceux qui s'étaient fait avoir il y a 6 ans, oui, réservez vos billets d'avance, ils sont déjà en vente. Oui, oui, enfin, on va sur québecbd.com, l'hyperlien est là. Oui, c'est québecbd, /burlesque, toutes les informations sont là et le site pour réserver aussi. Je tiens à préciser que si vous voulez dessiner, alors comme on a des rangées limitées là avec des tables pour le dessin, c'est important de prendre votre billet en prévente parce que à la porte, ce sera plus disponible rendu là. Alors, on est averti. Je rappelle, donc, le spectacle s'appelle Encre et dentelle, burlesque dessinée, une organisation de Dr. Sketchy Québec. Simon Trudeau, ben, à très bientôt. À très bientôt. Et nous, on repart. Dernier extrait musical ici sur les ondes du 89.1. Au retour, on tombe avec les commentaires BD de Marco Duchesne. Voilà la dernière ligne droite pour La vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et maintenant, rejoint par l'un de nos libraires en résidence, Marco Duchesne de la librairie Pantoute. Bonjour. Salut. Et Marco, en fait, tu nous arrives avec 3 suggestions cette semaine, ma foi, toujours bien variées. Et je te lance avec le premier, en fait, La balade de la souris salée. En fait, c'est ça. Cette semaine, c'est sous le signe de l'hommage. Alors, Mickey Maltese, La balade de la souris salée. Disney, dans ses nombreuses... en fait, Disney a célébré en France, le magazine Mickey a célébré en France, je me rappelle plus, son 70 ou 80e anniversaire. Et depuis lors, arrivent par vagues successives des intégrales de Carl Banks pour Donald Duck, des intégrales de Mickey, les premiers les comic strips qui sortaient dans les journaux dans les années 30. Alors, toute cette vague-là a donné lieu à parfois des hommages, et je t'en avais déjà parlé de ces hommages que que Disney avait confiés aux Européens. Mm-hmm. On a vu Loisel, on a vu Cosé raconter ses histoires. Et là débarque un truc italien qui prend Mickey et qui le met dans la peau de Corto Maltese. Écoute, La balade de la souris salée, au niveau narration, au niveau découpage, est exactement presque pareil à La balade la mer salée du Gauprat. Et c'est étonnant. Oui, en fait, j'avoue que tu le dis comme ça, puis je suis curieux de voir comment le métissage se fait, comment la greffe se prend. Ensuite, tous les personnages de La balade la mer salée, ils sont. Tous les personnages. Le personnage féminin principal, c'est Minnie qui le fait. Rasputin, eh bien, c'est Patibulaire qui joue le rôle. C'est Pat Roustine, et Mickey, évidemment, et Corto Maltese. Mickey et Mickey Maltese. Et là, on part à l'aventure. Au niveau graphique, ça reste du Mickey Mouse. Mais dans le ton, et là, au niveau du texte, eh bien, on a conservé à peu près tout le temps la même qualité de dialogue et la même narration. Écoute, je suis tombé sur le dos à la lecture de ça. J'ai tellement eu de plaisir à le lire. Au-delà du fait que, bon, je suis un fan fini de Corto Maltese, mais de retrouver cette façon de raconter un personnage, de lui rendre hommage, est tellement... Et en plus, Mickey Maltese, eh bien, il s'adresse aux enfants. C'est-à-dire que c'est une magnifique BD jeunesse. Mm-hmm. Alors, on a le droit avec Mickey Maltese une fusion entre le héros américain qui est Mickey Mouse et le héros catalan. Il était catalan, je pense, Hugo Pratt. Le héros catalan que nous avait donné Hugo Pratt de Corto Maltese, la fusion parfaite. Écoute, c'est un petit bijou de bande dessinée. L'adulte va y trouver un fin plaisir à retrouver tous les éléments de Corto Maltese. Et l'enfant va trouver un plaisir fou à se laisser porter dans toute cette aventure-là avec les réflexes des aventures de Mickey Mouse. Bref, une belle parution, encore une fois, de chez Glénat, là, de l'écurie Disney. Encore une belle hommage réussie. Ouais, en fait, ils ont un peu comme pour Lucky Luke, en fait, et même à la limite Spirou, et on a des belles séries de ce côté-là. Et parlant de Spirou, Marco, autre hommage, il s'appelait Petit Roux. Voilà, alors là arrive un drôle d'album, il s'appelait Petit Roux, et sur la couverture, il y a un groom habillé en rouge. Déjà là, mais il n'est pas identifié comme étant un Spirou et Fantasio, et il n'est pas identifié comme étant une aventure de Spirou et Fantasio vue par, tu sais, cette drôle de collection qui rend hommage à Spirou. Donc, il est isolé, et qu'est-ce que raconte il s'appelait Spirou? Ça raconte l'histoire d'une veille de Noël de 1959. Dans une famille, arrive l'oncle, il s'appelle Oncle Paul. L'oncle Paul va raconter aux enfants une histoire d'un bateau de croisière. Et sur ce bateau de croisière-là, il va y avoir Tirou, un espèce de jeune homme un peu rebelle qui va échapper à la vie tumultueuse de la ville, va sauter sur le bateau et devenir groom. Et Tirou, eh bien, il va s'embarquer dans une espèce d'aventure à la fois politique, parce que il y a entre les grooms, les mécaniciens du bateau, il y a une espèce de guerre qui prévaut sur le bateau, et ils se font une espèce de guerre au niveau des privilèges du bateau. Et il y a aussi les classes, les premières classes, et on y voit un des propriétaires du bateau avec sa fille. Donc, tout ça mélangé dans une espèce d'aventure folle où là, le bateau va être mis en péril et c'est Petit Roux qui va effectivement venir sauver la mise en prenant un avion. Écoute, c'est rocambolesque et ça fonctionne. L'idée, c'est qu'à un moment donné, sur le bateau, le chef des grooms, c'est-à-dire celui qui s'occupe des employés du bateau, surtout la partie des grooms, ce chef-là s'appelle Robert Velter. Mm-hmm. Et qui est Robert Velter? À la toute fin, Robert Velter va finir par, quand l'aventure va être passée, Robert Velter va aller à terre et va se trouver un autre job, et il va se faire accoster par le directeur, en fait, un éditeur de bande dessinée. Il va discuter avec et il va découvrir que Robert Velter faisait des croquis. Et que dans les croquis, il a fait des croquis de Petit Roux avec un groom. Et l'éditeur va trouver ça super intéressant. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait le lien avec la série. Et réelle, voilà, à la toute fin, on comprend que Robert Velter est en fait Rob Vell, celui qui a créé Spirou et qui a fait le héros qu'on connaît. Alors, l'album fonctionne comme « Je vais vous raconter l'histoire qui a inspiré Spirou ». Et ça se lit, mais vraiment, là, d'un bout à l'autre, comme un page-turner qu'on appelle. Se lit d'un bout à l'autre, sans arrêt, et vraiment avec... et ça fonctionne comme un trailer aussi, à la fois. Là. Vraiment une BD d'aventure, hommage à, encore une fois, bien réussi. Et Marco, en terminant, en fait un petit 2 minutes pour un moment de nostalgie, peut-être? Oui, ben en fait, je te fais une chronique spéciale flashback. Dans ma chronique, de temps en temps, je prendrai le temps de me faire un petit flashback, de me rappeler que, ah ouais, ça, j'aimais ça. Et dans ce cas-ci, c'est que pour te rappeler que Urban Comics ont une collection qui s'appelle Urban Kid, c'est-à-dire des BD, des rééditions de super-héros qui s'adressent aux enfants. Et là, ils ont édité l'intégrale des Batman Adventures. Batman Adventures, en fait, en 1992, des producteurs ont décidé de faire un dessin animé de Batman. Ils ont appelé la de Batman The Animated Series. Et ça a complètement renouvelé l'intérêt de Batman avec un style un peu plus ligne claire, un peu plus cartoon. Et ils ont eu un méga succès. À partir de là, ils ont décidé d'en faire une série papier. Et ça s'est appelé Batman Adventure. Et Urban Comics ont édité les 4 tomes. Et chaque tome est vraiment abordable à $17.95. Et en l'insérant dans une collection jeunesse, ça donne la chance à une autre génération d'avoir accès à Batman. Mais il faut pas se leurrer, l'adulte va y prendre plaisir parce que à cette époque-là, on avait plus centré l'intérêt du comic sur les vilains, le Joker, le Pingouin, à leur donner une espèce d'épaisseur un peu plus psychologique, un peu plus en racontant un peu plus leur background. À l'époque, c'était nouveau. Et aujourd'hui, ça n'a pas vieilli d'un poil. Vraiment là, à mon avis, si on veut initier les kids, les enfants à une série de super-héros, moi, je conseille fortement d'y aller avec les Batman Adventures chez Urban Comics. Alors, ben, trois belles suggestions que tu nous lances, Marco, cette semaine. Alors, ben, là-dessus, on va se dire à très bientôt. Ouais, au revoir. Merci. Alors voilà, Marco Duchesne, je rappelle, l'un de nos libraires en résidence. Et ben nous, c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine. La semaine prochaine, ben on va avoir l'occasion de porter un regard sur d'abord, ben en fait, l'histoire de Montréal vue par Michel Rabagliati. Il y aura également Pierre Skilling qui sera de passage pour nous parler de l'œuvre de Roberto Wilson en lien avec une exposition qui se prépare sur le travail de cet auteur. Alors tout ça et plus. Alors c'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes de CKRL 89.1.